Kanyangi. Dimanche 8 mai, madame, monsieur, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. Des cochenilles farineuses ravagent les manguiers dans les provinces de Kirundo et Muyinga. Dans cette édition, on aura des précisions de notre correspondant à Muyinga et une déclaration du Fonds onusien pour l'agriculture et l'alimentation FAO. En international, on vous parlera de 11 militaires qui ont été tués hier et 5 blessés en Égypte après avoir déjoué une attaque terroriste à proximité du canal de Suez. Et en retour au Burundi, les habitants de la colline Buringa, en commune Gihanga et province Bubanza, s'inquiètent de la présence des hippopotames vivant dans des fossés où a été extrait du sable. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Wimana. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, des cochenilles farineuses menacent les manguiers en province de Muyinga. Les zones déjà touchées sont surtout celles de Masaka et Ruzo en commune Giterani. Au bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, l'on indique que ces bestioles laissent une poudre noirâtre sur les feuilles, empêchant ainsi la photosynthèse de se réaliser, provoquant une absence totale de production. Toutefois, Roger Sendegué, directeur de ce bureau, tranquillise la population et fait savoir qu'une lutte biologique est en cours pour en finir avec ces êtres vivants nuisibles. Le point avec Pierre Claver, Barundi. Vous le dites si bien, ces cochenilles farineuses du manguier sont déjà présentes dans les zones de Masaka et Ruzo de la commune Giterani en province de Muyinga. Roger Sendegea, directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, explique comment elles s'attaquent aux plantes. Ces cochenilles attaquent les manguiers et se multiplient sur la plante. Ce sont premièrement les feuilles qui sont attaquées, sur lesquelles on trouve des poudres noires qui empêchent la photosynthèse. Il ajoute que si la photosynthèse ne peut pas se réaliser, les manguiers ne produisent plus de matière vivante et donc aucune mangue. La lutte contre ces bestioles par des produits chimiques étant difficile et de surcroît dangereuse pour l'environnement, Roger Sendegea fait savoir qu'on a opté pour une lutte biologique. On a cherché les ennemis naturels de cette cochenille farineuse du manguier. Et ces ennemis alors ont été déjà introduits dans la zone où la cochenille farineuse du manguier est présente. Et ils sont là, ils vont se multiplier. Il explique que d'ici une année, ces cochenilles seront anéanties par leurs ennemis naturels et que les manguiers pourront reprendre la production des mangues. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Parlons toujours de ces cochenilles farineuses. Dans un communiqué du Fonds onusien pour l'agriculture et l'alimentation FAO, il précise que ces cochenilles s'observent dans plusieurs localités du pays avec de fortes infestations dans les provinces de Kirundo et Muyinga. Ces insectes sont visibles sur plusieurs plantes dont le manguier, le citrus, le bananier, les goyaviers et plusieurs autres plantes ornementales, horticoles et d'ombrage. Dans cette déclaration irrelative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, il précise que ce ravageur cause des dégâts énormes sur le manguier, par exemple. Selon cette déclaration, la cochenille peut causer jusqu'à 90% des pertes de fruits. Restons au nord du Burundi, en province Kirundo, où la population des collines frontalières du Rwanda est appelée à veiller à la sécurité, surtout pour des mouvements de sortie et d'entrée illégales. Ceci a été dit ce samedi par le gouvernement de cette province de Kirundo lors des travaux organisés sur la route nationale numéro 14. Cette autorité a signalé que les mêmes personnes sont à l'origine de la propagation du COVID-19 et facilitent l'entrée ou la sortie de la fraude. Le point avec Abraham Safari. Comme l'a précisé le gouverneur de Kirundo, Albert Hatungimana, il est prévisible qu'il y ait encore des personnes qui entrent ou qui sortent du Burundi ou du Rwanda par des voies illégales. Il y a des gens qui vivent sur les collines frontalières du Rwanda qui facilitent l'entrée et la sortie moyennant quelque chose, alors qu'ils font la fraude ou tout simplement facilitent la traversée des personnes qui vont chercher la vie au Rwanda et vice-versa. Des exemples récents sont une personne qui vient de passer 2 semaines au bureau de la zone de Gisenyi en commune de Busoni car Elle était entrée au Burundi en passant par une voie illégale. Une autre a été arrêtée en provenance de Gitobe alors qu'il voulait se rendre au Rwanda illégalement. Il y a également une autre personne, comme l'a dit le gouverneur, qui vient d'être sanctionnée car il a facilité l'entrée au Burundi d'une personne qui venait du Rwanda moyennant une somme de 8000 francs. Le gouverneur a dit que ce sont ces personnes qui amènent du coronavirus ou peuvent aussi partir du Rwanda avec ce virus. Il a donné l'exemple des communes de Nega et Bugabira où le coronavirus est amené par des gens qui sont entrés illégalement au Burundi en provenance du Rwanda. Il appelle l'administration et la population des collines frontalières du Rwanda, de Gatete et Rwibikara, d'être vigilantes et surtout sanctionner des récalcitrants à des mesures de sécurité. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. À 13h01 dans le studio de la radio Sanganiro, poursuivons cette édition. Les habitants de la colline Buringa, en commune Gihanga de la province Bubanza, s'inquiètent de la présence des hippopotames vivant dans des fossés où a été extrait du sable et qui sont actuellement remplis d'eau. Ces habitants estiment que ces hippopotames peuvent faire du mal car ils sortent la nuit de ces fossés pour brouter jusque dans les champs, selon le chef de colline qui précise que même que ces hippopotames se comptent à 6. La population de cette colline demande aux autorités du ministère de l'Environnement de faire retourner ces hippopotames dans la rivière Rusizi d'où ils sont venus. Et en page éducation, toujours en province Bubanza, plus de 2800 élèves de la 9e année se prépare à passer le concours national édition 2022 prévu fin mai. Les élèves reconnaissent s'être bien préparés, même avec des tests d'entraînement, ce qui est confirmé par des responsables scolaires, affirmant que les programmes sont presque achevés. Le directeur provincial de l'éducation demande aux parents d'aider les enfants et de ne pas les surcharger par des travaux ménagers, une information que nous devons à notre correspondante en province Bubanza, Spes Caritas Kabanyana. Sans transition, en actualité internationale, dans la sous-région République démocratique du Congo, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est candidat à la présidentielle de 2023. Il est parallèlement accusé d'avoir détourné d'importantes sommes d'argent destinées à la réalisation du parc agro-industriel Nbukanga Lonzo. Mais Matata Ponyo comparaîtra-t-il devant la Cour de cassation? Selon la RFI, il aurait signifié au chef de l'État, en se basant sur la Constitution, que le procureur ne serait pas favorable à son procès et la présidence est dément avoir reçu un tel courrier. Et répond pour faire taire les rumeurs sur les réseaux sociaux. En Égypte, une CC-11 militaire qui ont été tués, 5 blessés ce samedi, y déjouaient une attaque terroriste à proximité du canal de Suez, selon un communiqué de l'armée égyptienne. Ce bilan est l'un des plus élevés enregistrés par les forces égyptiennes depuis des années. Voilà, 13h04 dans les studios de la radio Sanganiro. Ça s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Riku Imana qui assurait la mise en onde. Très bonne journée dominicale. Au revoir.